c'est quoi que j'appelle? C'est la joie. C'est elle que les émois étincellent et s'entremêlent encore nos voix. À chaque fois. L'atmosphère électrique et mille et mille volts milite. Elle prend la vie au sérieux, même si elle s'en fout. L'amour elle le court-circuite et mille et mille volts médite. Son sort comme sur un ressort, même si elle s'en fout. Elle pourrait bouger des foules, les connards, elle se défoule. L'intégrité, ça coûte cher et mille et mille volts préfèrent excessive. Et mille et mille volts la tise. Elle manque à tellement de nous. Même si elle s'en fout. C'est moi, je suis. Moi la vie ne m'a pas donné raison. Mais je suis l'antidote à son poison. Tout ça est bien en moi, tout ça est bien en moi. Tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis mais ça ira, je suis mais ça ira. Je suis mais ça ira, je suis mais ça ira. Je suis l'animal qu'on a mis à table. La fontaine ne m'a pas mis dans sa fable. Tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis. Je suis la langue qui n'a pas d'école. La nage indienne bien plus que le crawl. Tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis. Je suis un peu le papier, un peu l'encre. Je suis de la dynastie des cancres. Tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis. Et puis l'éclat de rire et la colère. L'autre aurait dit entre ciel et la terre. Tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis. Moi la vie ne m'a pas donné raison. Et je suis l'antidote à son poison. Tout ça est bien en moi, tout ça est bien en moi, tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis mais ça ira, je suis mais ça ira, je suis mais ça ira, je suis mais ça ira. Le jour de ma naissance, je suis né lorsque j'ai compris ma différence. Tout ça est bien en moi et c'est moi, je suis. Et moi qui fais partie du genre humain, je dis y a pas de quoi dire à demain. Tout ça est bien en moi et c'est moi, je suis. Et dans l'immensité à sa mesure, je suis en équilibre, je le jure. Tout ça est bien en moi et c'est moi, je suis. Je resterai le feu et l'eau, je crois. Même si le feu brûle et si l'eau noie. Tout ça est bien en moi et c'est moi, je suis. Moi la vie ne m'a pas donné raison. Et je suis l'antidote à son poison. Tout ça est bien en moi, tout ça est bien en moi. Tout ça est bien en moi et c'est moi. Je suis mais ça ira.

Yo encontré la paz en el sonido de tu hablar, en la ternura de tu mirar, en las caricias dulces de tu cuerpo. Yo me encontré a mí en los pasos de tu bailar, en los sueños de tu soñar, en la luz serena de tus ojos. Yeah. Et à tous, ici Lia, vous êtes bien à l'écoute de Radio Gémozo sur le 107FM. Peut-être que vous nous écoutez via internet ou depuis notre site internet www.radioguémozo.fr ou sur appli gratuite pour smartphone. En tout cas, vous êtes tous bien les bienvenus. Et je suis très heureuse d'être avec vous en direct aujourd'hui. Nous sommes le lundi 4 mars, il est midi tout pile, bon appétit! J'espère que vous êtes tous en pleine forme en ce début de semaine et c'est maintenant le moment de s'installer. Et bien pour un voyage immédiat au sein de la bulle dans un univers pas comme les autres, je vous en dirai plus juste après car il est temps maintenant d'accueillir et bien notre invitée Isabelle Lejus qui est venue nous parler et bien de chamanisme. Isabelle, bonjour. Bonjour Lia. Comment ça va? Bah écoute, très bien, très bien. Merci d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui pour nous parler eh bien, de cet univers que tu as découvert un jour et tu vas nous parler un petit peu de ton parcours, tu vas nous dire comment tu as rencontré cet univers-là. Hein. Ça paraît peut-être encore un peu vague pour nos auditeurs. Alors voilà, on part pour un voyage extraordinaire, hein, direction des contrées lointaines dans le cœur du chamanisme. Mais tout d'abord, eh bien, justement pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, pour qui le chamanisme ne serait peut-être qu'un terme un petit peu abstrait, on va faire un petit topo. Alors surtout Isabelle, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que moi j'ai trouvé des sources un petit peu à droite à gauche, mais on le sait bien, il y a certaines sources qui ne sont pas très fiables. Alors justement, on en profite que tu sois là pour mettre un petit peu les choses au clair. Alors j'ai trouvé un ouvrage qui s'intitule « Le chamanisme, réalité d'hier et d'aujourd'hui ». Et à l'intérieur, donc, on nous dit que le chamanisme est l'une des plus anciennes traditions humaines remontant à environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Sa conception de l'homme et de la réalité se retrouve sur tous les continents de la planète en étant à l'origine des principaux systèmes religieux et spirituels du monde entier. Et selon une certaine source web, donc le mot chaman officiellement entré dans la langue française en 1842 nous viendrait du mot saman de la tribu des Tungus en Sibérie et signifierait personne qui possède la connaissance. En tout cas, c'est le mot choisi par les premiers anthropologues russes pour désigner des individus qui s'adonnaient à des pratiques spirituelles spécifiques et remplissaient des fonctions caractéristiques dans leur communauté. Le chamanisme est donc une pratique centrée sur la médiation entre les êtres humains, les esprits de la nature et les âmes du gibier, les morts du clan, les âmes des enfants à naître, les âmes malades à guérir, la communication avec les divinités, etc. Est-ce que jusque-là, j'ai tout bon ? C'est tout bon. C'est ouf. Tout bon. C'est le chaman donc qui incarne cette fonction dans le cadre d'une interdépendance étroite avec la communauté qui le reconnaissait comme tel. Et le chamanisme, au sens strict, prend sa source dans les sociétés traditionnelles sibériennes. Alors, on le voit un petit peu partout dans le monde. On a relevé des traces de chamanisme, et surtout en Sibérie. Oui, tout à fait. En Asie du Sud et de l'Est, et sur tout le continent américain. Alors, nous, on a plus tendance à un petit peu penser que le chamanisme vient des Amérindiens, en fin de compte, mais pas tout à fait, du coup. Non, pas tout à fait. Effectivement, le chamanisme, c'est vraiment un phénomène à vocation mystique qui provient surtout d'Asie centrale. D'accord. Et en tout cas, le chamanisme, sous sa forme primitive, a été découverte bien avant 1842, je crois, comme tu le dis. Par un Russe qui s'est aventuré dans des terres de Sibérie. D'accord. Et a rencontré des humains capables de prendre des apparences animales, très particulières. Et quand il est rentré chez lui, qu'il a évoqué toutes ces particularités, ces singularités de ces peuples, il s'est fait prendre pour un fou. Il a écrit, mais ça n'a pas fonctionné. Il est parti, on va dire, avec ces informations, et c'est seulement 100 ans plus tard que d'autres anthropologues sont partis étudier ces peuples. D'accord. Voilà, donc effectivement, le chaman, c'est vraiment, comme tu le disais, un médium. Hein. Il fait le pont entre la réalité que nous vivons et ce qu'on appelle le monde des esprits. Et les Amérindiens dont tu parlais, effectivement, ne se font pas appeler chamans. Ce sont plutôt des hommes et des femmes médecine. D'accord. Medicine man, medicine woman. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une grosse confusion ou un gros amalgame, parce que le terme chaman, qui vient de saman, du russe, qui signifie prêtre, devin. D'accord. Donc c'est celui qui relie, mais c'est aussi le maître des énergies et le maître du feu. Donc voilà, il y a eu pas mal d'amalgames dans le terme, et donc maintenant sous chamanisme, on met énormément de choses. Eh oui, ça c'est vrai. Voilà, diverses et variées. Tout à fait. Alors ce thème du chamanisme, il a d'ailleurs été repris au cinéma en 2003. Je ne sais pas si tu avais vu le film, dans Blueberry, l'expérience secrète de Ran Kunen. Alors est-ce que ça se dit comme ça, Ran Kunen ? C'est Jan Kunen. Jan, voilà, parce que moi j'ai un gros problème de prononciation avec les langues étrangères. Donc c'est une représentation du chamanisme amérindien justement au cinéma. Et donc pour ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus, en tout cas pour cette partie du monde, tout à fait. C'est peut-être intéressant. C'est une belle bataille, en fait, comment dirais-je, spirituelle, qui se termine mal pour un des deux protagonistes. Et une bataille spirituelle un peu particulière, puisqu'elle se fait sous l'effet d'une plante. Aïe, oui. Oui, pour se mettre en transe. Voilà, exactement. Et évidemment, cette plante peut amener la personne à complètement sortir d'elle-même, à se décorporer et à ne plus être présente. Oui. Et c'est la perte de l'âme totale, c'est la perte de l'esprit. C'est assez sûr. Donc on va un petit peu explorer ce monde avec toi durant toute cette émission. Donc on l'a vu un petit peu, le chamanisme, il existe un petit peu partout dans le monde, au sein de différentes cultures. Alors est-ce qu'il y a un seul ou plusieurs types de chamanisme ? Ça, c'est la question piège. Grande question. On va dire que les anthropologues qui ont étudié les différentes peuplades ont retrouvé des similitudes à chaque fois. Oui. C'est-à-dire que le chaman de chaque tribu a à chaque fois la possibilité et la particularité de voyager dans des mondes qui ne sont pas forcément accessibles aux autres humains de la communauté. D'accord. C'est en ça qu'il est le lien entre les mondes subtils, le tangible et l'intangible. Ils sont capables tous, parmi ces peuplades différentes des différents continents, de donner, de définir une carte du monde, des mondes subtils, qui va être semblable. Et cette carte-là s'enrichit au fur et à mesure de la pratique du chaman. D'accord. Qui va voyager grâce au son du tambour, des hochets, ou pour certaines population, les plantes. D'accord. Les plantes, vision par les plantes. Oui, oui. Donc en fait, ce terme chaman, il est employé dans certaines cultures, mais au final, il y a plein d'autres cultures avec qui il y a un lien, mais on n'appose pas forcément ce terme-là, si tout je comprends bien ce que tu me dis. Qui dit chamanisme, eh bien, dit chaman, bien entendu. Donc leur rôle vraiment au sein de certaines tribus, c'était quoi exactement ? C'est les intermédiaires entre les difficultés des hommes et les solutions qui se trouvent chez les esprits. D'accord. Donc le chaman avait vraiment pour rôle de se mettre en relation avec les esprits. On dirait peut-être maintenant le grand champ informationnel, afin d'aller chercher des solutions aux problématiques vraiment terrestres. Donc problématiques que ce soit de bétail qu'on n'arrive pas à trouver, de mauvais temps ou justement pas assez de pluie. Voilà, qu'est-ce qui avait pu offenser les esprits à ce point pour que les hommes subissent les conséquences. Il y avait aussi la protection par rapport à la chasse, entre tribus, etc. Oui, oui, oui. Tout ce qui permet à l'homme, à l'humain dans son quotidien, de rester en harmonie avec la nature et avec son environnement, parce que ce que l'on a oublié actuellement, c'est que nous sommes devenus des prédateurs pour notre environnement, que ce soit le règne végétal, minéral, animal, alors que nous faisons partie complètement de cet environnement. Oui, c'est sûr. Il est bon de le rappeler, en effet. Alors Isabelle, on va un petit peu quand même parler de toi, hein, parce que tu es venue nous voir aujourd'hui pour nous parler de tout ça, mais aussi de ton parcours. À quel moment dans ta vie tu as rencontré le chamanisme et qu'est-ce qui t'a amené un jour à devenir praticienne ? Alors, on va dire comme tout chaman, bien que je ne me définisse pas ainsi, mais je veux dire, j'ai eu une expérience, ou des expériences en tout cas initiatique très très forte près de la mort, près de la maladie. Donc c'est en fait ce qui permet de révéler la force, c'est-à-dire que à un moment donné l'humain qui est dans son initiation ou dans son expérience initiatique va vivre quelque chose qui va être vu de l'extérieur comme un traumatisme suffisamment fort qui va permettre de détricoter tous les mécanismes mentaux qui sont acquis depuis la naissance, toutes les croyances, tout ce qui est limitant. Et donc, en l'occurrence, j'ai fait un burn-out. D'accord. Voilà, j'ai été infirmière, j'ai été kiné, et c'est lorsque j'étais kiné libérale que j'ai un petit peu abusé du temps que j'avais. Voilà, on dépense, happer, quoi, voilà, on dépense plus d'énergie que l'on en a, et c'est là où on commence à tomber dans la faiblesse, même si à chaque fois, il y a toujours des signes avant-coureurs, mais nous ne sommes pas capables de les entendre. On n'y prête pas attention. Oui. Voilà, nous n'y prêtons pas attention. Et donc voilà, ces signes après, on y fait effectivement beaucoup plus attention, mais surtout ce sont des signes qui vont nous aider dans le quotidien pour pouvoir avancer au mieux. D'accord. Et voilà, c'est vraiment l'expérience initiatique. Donc moi ça a été un burn-out, mais qui s'est bien préparé avant par d'autres événements, et on va dire qu'il y a toujours un point ultime qui met le corps physique près de la mort. D'accord. Oui, oui. Et à ce moment-là, c'est là que peut s'ouvrir des facultés qui étaient présentes, mais qui étaient juste recouvertes par toute la couche. Une énorme couche de poussière. Okay. On est tous pareils. Oui. Je veux dire, alors je dis pas qu'on peut tous être chaman ou en tout cas initié dans ce domaine. Il y a des particularités après individuelles de connexion à la nature, ce qu'on appelle aux esprits, en tout cas d'une sensibilité particulière à notre environnement, qui vont donner des facilités, ça c'est sûr. D'accord. Toi, tu étais déjà proche de la nature avant, enfin, je veux dire, tu te sentais déjà connecté à ce monde ? Alors, oui et non. Voilà. Oui, dans le sens où j'ai été élevée, voilà, j'ai été éduquée dans un monde dans la nature, je faisais beaucoup de bicyclette, j'allais beaucoup dans la forêt avec mon père. Et après, je suis partie faire des études en ville, et là, je me suis progressivement déconnectée, éloignée, voilà, complètement éloignée. Et je dois dire que même aller dans la forêt me faisait peur. Ah ouais ? Oui. Et il a fallu vraiment beaucoup de temps pour me réhabituer à prendre confiance en ce milieu naturel, parce que j'en étais complètement éloignée. Et c'est la géobiologie qui m'a aidée à ça. D'accord. Ça n'a pas été le chamanisme tout de suite. Oui. Ça a été vraiment la géobiologie, la radiesthésie en Alsace qui m'a permis de me reconnecter en fait à ce que je sentais à travers mon corps. D'accord. Parce qu'une des particularités aussi du burn-out, hein, c'est d'être déconnecté de ses sensations intérieures. C'est-à-dire qu'on ne sait plus discerner ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, les personnes qui sont bonnes pour nous, les lieux. Donc il y a une coupure avec l'intuitif. Voilà, il y a une coupure totale avec l'intuitif qu'il est important de ben, retrouver, oui, de pour pouvoir vivre. Donc tu fais ton burn-out, et qu'est-ce qui se passe alors après ? Alors après, déjà je ne fais plus rien. C'est à plat total, plus d'énergie. À plat total, je pense fermer mon cabinet de kiné pour 3 mois, je l'ai fermé définitivement. Ah oui, d'accord. Okay. Donc ça a été vraiment un bouleversement aussi intérieur, parce que se dire, ben voilà, j'ai une profession, mais je ne peux plus l'utiliser, oui. En tout cas plus en tant que telle, je ne me voyais plus faire des soins sur ordonnance, m'occuper des patients comme avant, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, parce que je prenais une demi-heure par patient, je faisais de la thérapie manuelle, je faisais pas des actes habituels en kinésithérapie. Ok, ça me prenait beaucoup, mais c'était trop. Oui, c'était oui. trop. Donc j'ai fait une thérapie. Enfin, j'ai fait plusieurs thérapies qui m'ont permis, bien sûr, de me remettre à flot sur le plan émotionnel, parce que c'est tout un ensemble, hein, physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Tout à fait. Parce que le burn-out, c'est aussi quand même la déconnexion du spirituel, enfin de ce qui est, de ce qui nous relie à ce grand tout. Et le chamanisme, je l'avais contacté au début des années 2000, donc il y a bien longtemps, on va dire, parce que le temps passe vite. C'est vrai. Par un stage sur la découverte de l'animal totem à l'époque. Oui. Et puis voilà, c'est un peu comme j'aime l'imaginer, c'est un peu comme passer la tête par le hublot, observer ce qu'il y a à l'extérieur et puis revenir à l'intérieur. Et ce n'est vraiment qu'à partir de ce burn-out, enfin quelques années après le burn-out, hein, parce qu'il a vraiment fallu du temps pour me remettre en phase, que ben là, j'ai pu reconnecter le chamanisme à travers à nouveau un stage sur l'animal, et puis tout un processus de découverte des autres mondes, les mondes akashiques, les mondes d'en haut, tout ce qui est les mondes intermédiaires. J'ai fait des formations en chamanisme sibérien également, en chamanisme un peu plus, comment dire, occidentalisé, dérivant des pratiques de Michael Arner, qui est décédé, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais qui, lui, anthropologue, dans les années 60, a eu un apport a apporté énormément à la découverte, à la redécouverte de ces structures, on va dire, de pensée, parce que ce sont des structures de pensée, c'est un état d'être chamanique. D'accord, ok. De reliance. Oui. C'était tout à fait. Alors, on voit deux points très, très intéressants. Hein. On va faire une petite pause, une petite bulle de son. Mais avant, j'aimerais quand même relever deux choses. Voilà, tu as déjà eu une première approche avec le chamanisme il y a quelques années. Et là, on voit que voilà, ta sensibilité à toi, elle se trouvait bien là, même si à ce moment-là, tu n'étais pas prête à t'y lancer comme aujourd'hui. Et voilà, tu y es revenue. Donc, faites attention à ces petits signes que vous avez, à votre petite sensibilité, même si elle n'est pas encore très approfondi, mais voilà, il y a des choses qui vous touchent et voilà, un jour ou l'autre, ce sera le moment de l'exploiter. Et puis, deuxième chose, on voit, voilà, Isabelle, tu as eu un parcours où il y a eu un moment, une expérience, un burn-out. Et voilà, moi, je te remercie parce que tu nous donnes un très beau témoignage aujourd'hui. Une expérience difficile comme un burn-out où vraiment, on a l'impression que on n'est plus grand-chose. Hein, on ne sait plus vraiment qui on est. On est un petit peu perdu et complètement à plat. Et bien, si on prend le temps de se reconnecter avec soi-même et puis à tous les mondes qui nous entourent, et bien, c'est possible d'aller beaucoup mieux et de faire de sa vie et bien, ce qu'on a envie d'en faire. Et ça, c'est super. Super touchant comme témoignage, et voilà, je te remercie beaucoup pour ça. Alors, selon ton envie du moment, on va donc se lancer dans une première bulle de son avant d'en savoir plus sur ton parcours et puis ce monde incroyable du chamanisme. Alors, tu as eu envie d'écouter quelques sons sortis de Bouddha Bar 3, donc c'est un album un petit peu d'inspiration zen. Hein, tout à fait. Que tu écoutes de temps en temps, peut-être. Que j'écoute de temps en temps, que j'ai découvert quand c'est sorti au début donc, des années 2000. Oui. Et c'était à l'époque une musique que je trouvais à la fois relaxante et qui permettait de s'évader. Oui. Et évidemment, j'en avais besoin. Et ben voilà, tout à fait. Donc, on se lance un petit peu avec toi dans ce monde que tu as exploré il y a quelques années et puis dans un petit moment de zénitude, quoi. Voilà. On se retrouve juste après. Voilà, nous sommes toujours ensemble. Merci beaucoup à vous tous qui nous écoutez. Nous sommes avec aujourd'hui Isabelle, donc, qui est venue nous parler de chamanisme et de son expérience. Merci beaucoup encore à toi d'être venue jusqu'ici pour nous parler de tout ça. En plus, il me semble que tu ne viens pas vraiment de notre coin. Là, tu es plus vers Darnay, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu as fait toute cette route pour venir jusqu'ici ? Ah, oh, c'est pas très loin, il n'y a pas de neige. C'est vrai, en plus on a un beau rayon de soleil, c'est pas anodin. Alors on retourne dans le monde mystérieux du chamanisme. Quel est le rôle aujourd'hui des chamans? J'imagine bien sûr qu'avec la société qui a évolué, c'est plus vraiment les mêmes rôles qu'avant, mis à part peut-être dans certains endroits du monde peut-être. Aujourd'hui, ici dans notre société européenne occidentale, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend d'un chaman? Quel est son rôle, en tout cas, au sein de cette société? Alors, si on parle de la société occidentale, on va dire qu'il y a un gros amalgame entre le chaman qui va être l'intercesseur, le guérisseur, et puis le chaman qui va être là pour faire un petit peu de folklore et de démonstration. C'est-à-dire que on trouve de tout. C'est sûr, comme partout d'ailleurs. On trouve de tout. C'est un terme qui est utilisé, je trouve, de façon un petit peu trop anarchique. Oui. Dès qu'on fait un feu avec des tambours, voilà, on fait du chamanisme. Alors qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est un art spirituel. C'est l'art de se relier au grand esprit, au monde des esprits, dans l'objectif de faciliter la vie des humains, ou en tout cas de les reconnecter à leur nature sacrée, à cette spiritualité qu'il y a en eux, et absolument pas à la religion, parce qu'on a souvent tendance à confondre spiritualité et religion, alors que c'est complètement différent. La religion est quelque chose qui a été inventé par l'homme pour prendre le pouvoir sur l'homme, alors que la spiritualité, elle est là pour élever l'esprit. Tout à fait. On est bien d'accord. Alors, justement, est-ce qu'à certains endroits du monde, il existe encore des pratiques chamaniques d'antan, d'autrefois? Oui, tout à fait. Et ce que je souhaiterais évoquer, c'est par exemple en Mongolie, Sibérie, Mongolie, qui sont des contrées très éloignées, où j'ai pu me rendre il y a quelques années. Ah oui? Oui, au cours d'un voyage d'environ 3 semaines. Ça a été entre guillemets pas le voyage de ma vie, mais, ah bah oui, mais presque. En tout cas, il m'a fallu presque une année à peu près pour intégrer tout ce que j'avais pu y vivre, ah oui, que ce soit sur le plan de comment dirais-je, des connexions avec les esprits, avec les chamans qui étaient là-bas, et puis les lieux, parce que les lieux sont vierges, les lieux sont nature, les steppes sont le reflet justement de ce qu'il y a en nous et que l'on peut auquel on peut accéder relativement facilement, je trouve, de plus en plus ce vide, ces grandes plaines intérieures qui ne demandent qu'à être enrichies. Donc la Mongolie, oui, ce sont des endroits très très voilà, encore très chamanisants, on va dire, même s'ils s'occidentalisent aussi un petit peu. Après, il y a des pratiques, entre guillemets, que l'on pourrait qualifier de chamaniques, mais dans tous les pays, que ce soit dans les pays d'Asie du Sud-Est, que ce soit également du côté des Amérindiens. Mais les Amérindiens, je veux dire, on ne parle pas de chaman, on parle de hommes et femmes médecine. Oui, oui. Et ça, oui, bien sûr, il y a des pratiques chez les Lakota, les Sioux Lakota, donc dans le Dakota. Aux États-Unis, qui sont encore très présentes, avec des événements comme les Inipi, du Sudation, les danses du soleil, et d'autres rituels sacrés qui peuvent à nouveau être organisés, puisqu'il faut savoir quand même que quand les Blancs ont colonisé, les Européens ont colonisé les Amériques, et qu'ils ont donc endoctrinés par la religion, les autochtones, il y avait interdiction pour eux de pratiquer leur rituel. Ah oui. Donc, ce qui veut dire que l'évangélisation a fait perdre aussi pas mal de connaissances. C'est pas complètement perdu, ça se retrouve. Il y avait des anciens quand même qui pratiquaient en secret dans les montagnes. Mais voilà. Après, il y a eu toute une perte de connexion de la population qui s'est manifestée par de l'alcoolisme, de la drogue, des consommations et des addictions au sucre parce que on leur a enlevé leur lien du sacré, on leur a coupé les cheveux qui étaient quand même la connexion à la terre. Oui, donc ils ont été complètement déstabilisés. Complètement. Dénaturés même. Voilà, ouais, on les a parqués dans des réserves. Aller dans telle réserve. Alors que... Ils étaient chez eux. C'était chez eux. Alors, pour ton voyage en Mongolie, est-ce que ça a été facile de t'approcher de cette peuplade? Est-ce qu'ils t'ont accueilli? Est-ce qu'ils ne sont pas réticents? Est-ce qu'au contraire, ils sont plutôt contents de partager leur savoir? Comment ça se passe? Alors, synchronicité, j'étais à un séminaire sur les plantes de phytoaromathérapie. Oui. Et je rencontre une personne qui me dit « Ah tiens, cet été, je pars en Mongolie. » Et je dis « Ah tiens, ça m'intéresse. » Et en fait, c'était un voyage organisé donc par une agence. D'accord. Et donc cette agence organisait déjà des voyages en Mongolie depuis un certain nombre d'années. Et donc là, c'était un voyage à la découverte du bouddhisme. D'accord. Et du chamanisme. Et on avait la chance d'avoir des chamans avec nous. D'accord. Parce qu'il faut savoir que là-bas, la plupart, enfin beaucoup de chamans ont une vie normale. Oui, lambda, ouais. Et ils vont avoir, en dehors de cette vie professionnelle classique, des activités rituelles chamaniques qui vont justement leur permettre, et là, d'intégrer, on va dire, toutes leurs pratiques dans leur quotidien. Alors, mais ce n'est pas un banquier, par exemple, qui va commencer à chamaniser dans sa banque, non. Mais il va utiliser ce qui se passe et sa connexion pour pouvoir vivre au mieux, ah bah oui, entre guillemets, son quotidien. Tout à fait, je vois tout à fait de quoi tu parles. Voilà. Parce que ce que je dis aussi en conférence, ce qui est important, c'est pas l'extraordinaire. L'extraordinaire, on le touche, ok, c'est sympa, mais on peut pas vivre toujours dans des situations à haut niveau vibratoire. Ce qui est important, c'est le quotidien. Oui. Donc c'est de ramener dans cette médiation entre les mondes subtils et la réalité, c'est de ramener toute cette puissance et tout cet amour finalement infini qui est présent partout, de le canaliser et de le ramener dans le quotidien. De vivre avec, oui. D'où l'état d'être chamanique. Tout à fait. On en saura plein de choses grâce à toi sur le chamanisme. Moi, je découvre complètement, même si j'avais déjà un petit peu lu, vu, etc. Mais c'est vrai que la vision qu'on nous donne n'est pas forcément celle qui se rapproche le plus de la réalité, comme tu nous le disais tout à l'heure. Et c'est plutôt sympa d'en savoir plus, mais de l'intérieur. Alors, on va se lancer dans une deuxième bulle de son avant de continuer cette émission sur la même lancée. Hein. On reste dans cette ambiance Bouddha Bar avec le deuxième son de ce CD. Donc, ne bougez pas, on se retrouve juste après. Vous êtes toujours avec nous sur Radio Guémozo. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à Isabelle d'être avec nous aujourd'hui eh bien, pour nous parler de son parcours et du monde du chamanisme. On voyage à travers le monde, même musicalement, là on est parti complètement à l'opposé. C'est bien, hein, voilà. Le chamanisme est aussi partout à travers le monde, donc ça représentait bien un petit peu ce dont on parle. Alors justement, je me demandais... Donc on a évoqué un petit peu comment on devient chaman ici en France. Donc toi tu nous as parlé de ton expérience de voyage en Mongolie. Est-ce qu'il y a une transmission tu me parlais en off un petit peu de certaines rencontres qu'il y a à faire avec certains mondes et d'autres pour pouvoir rencontrer ce monde du chamanisme et être chaman, même si toi tu le dis pas comme ça. Tu te définis comment du coup ? Guérisseuse. D'accord. Corps, cœur, esprit. D'accord, ok. C'est noté. Voilà. Alors, oui, effectivement. Donc, il y a deux types, entre guillemets, d'initiation. Il y a l'initiation primaire, c'est-à-dire un enfant dans une tribu ou dans un espace particulier d'une communauté qui est repéré comme étant un chaman potentiel, va être mis de côté, va être protégé, va être isolé afin de cultiver une pureté intérieure et va être vraiment mis de côté par rapport à toutes ces pollutions extérieures relationnelles. Mmh. Et la pratique après la plus courante, puisqu'on a quand même de moins en moins de communautés comme à l'origine, ça va être... l'expérience initiatique ou mystique très très forte. Deux, il faut s'en remettre. Oui, j'imagine. Trois, en général, c'est la rencontre avec quelqu'un qui va guider le futur praticien chaman. Donc celui qui va guider, ça peut être quelqu'un de très simple. Hein. C'est pas forcément un grand initié. Mais c'est quelqu'un qui va remettre la personne finalement en accord profond avec elle-même, avec son âme. Donc c'est de toute façon une personne très spirituelle qui va lui apprendre des pratiques, sachant que maintenant des pratiques, on peut les apprendre partout, on voyage très facilement, on peut aller à l'étranger, se former, on peut trouver en France ou en Suisse de très bons praticiens, ça c'est pas un souci. Tout ce qui se cultive après, c'est la connexion avec le monde des esprits, ce grand champ d'informations, afin de composer la carte des mondes subtils pour aller chercher des informations qui vont pouvoir être ramenées comme solution à la personne qui en a besoin lors d'un soin. D'accord. Voilà, un petit peu les deux formes. Est-ce que tu as l'impression que ça se démocratise un petit peu le chamanisme aujourd'hui, ou est-ce que tu dis que voilà, c'est facile un petit peu de se former? Oui. Et pourtant nous, moi en tout cas, ça me paraît vraiment un monde à part, peut-être parce que je connais pas suffisamment, mais vraiment on a l'impression que c'est un monde complètement sauvegardé justement de tous ces, de tout ce monde extérieur qui est un petit peu, comme tu l'as dit, pollué. C'est un petit peu, pour moi, la pureté. Est-ce que, tu penses quand même que ça se démocratise, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces pratiques, etc. Oui. D'accord. Il y a une démocratisation parce qu'il y a une perte de sens de la vie des humains. Le fait de toujours courir dans cette société, courir après quoi, après qui, on se le demande, fait perdre complètement le sens profond de l'incarnation terrestre. Et un des moyens que certaines personnes trouvent, c'est cette reliance avec le chamanisme, parce qu'il y a la nature. D'accord. Parce qu'elle va, il va permettre le chamanisme de se relier à ses sens, à tous ses sens, et de décider de faire partie de ce monde plutôt que d'utiliser ce monde. D'accord. Donc, il y a encore effectivement des endroits très très préservés. C'est facile, relativement facile de se former si on cherche, si on a envie de bouger, si on a envie de sortir de sa zone de confort. Parce qu'effectivement, le chamanisme, c'est ça. C'est là d'où je te vois, j'ai un angle de vue. Le chamanisme, c'est d'aller voir tous les angles, ou en tout cas un maximum d'angles de vue possibles, pour avoir une idée sur la situation qui soit beaucoup plus globale. Oui, oui, oui. C'est juste une idée, parce qu'on n'aura jamais toute l'information. Donc c'est vraiment une pratique holistique qui permet de voir les choses de plus haut et sous des angles différents. D'accord, ok. Donc toi, tu pratiques à l'aide de toutes ces connaissances qui t'ont été transmises et que, voilà, dont tu t'es formée, etc. Hein, t'as fait quand même, on le voit, plusieurs choses. Quand on fait appel à toi, ça se passe comment? C'est pour quelle problématique? Comment tu réponds à ça? Deux types de problématiques globales. Problématiques physiques, maladies, maux divers et variés. Et problématiques psycho-émotionnelles dans un premier temps. C'est-à-dire que les personnes, souvent, ne savent pas qu'elles sont déconnectées de leur spiritualité. D'accord. Donc ça se présente sous des mal-êtres, tout simplement. Mmh. Les personnes ne vont pas bien ou ne sont pas bien. Et oui, c'est le corps qui parle. Voilà, c'est le corps qui parle. Alors souvent, le corps est aussi atteint, je dirais, par une mauvaise alimentation. Donc il y a aussi beaucoup de rigueur. Quand on fait des soins énergétiques ou chamaniques, il y a une rigueur pour son propre corps. C'est-à-dire que, voilà, éviter toutes les addictions, ça on est bien d'accord. Mais c'est également avoir une connexion la plus forte possible avec des aliments qui font du bien au corps. Tout à fait. Qui l'aident à se réparer et à maintenir ce que j'appelle un haut taux vibratoire. Parce que pour pouvoir être en connexion avec les gens et avec ces mondes plus hauts, eh bien, il faut élever son taux vibratoire. C'est-à-dire que plus vous traînez dans des émotions de colère, de peur, de tristesse, de soucis divers et variés, plus vous allez vibrer, entre guillemets, dans une énergie que l'on appelle basse. Oui. Et qui, enfin voilà, qui fait pas du bien, on n'est pas bien. Et justement, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer son alimentation, son stress, à prévenir plutôt que guérir, va permettre d'élever le taux vibratoire. Et oui. Fréquenter les personnes qui vont bien, qui sont bien, vivre dans des lieux qui sont régénérants. C'est la maison qui nourrit l'homme, c'est pas l'homme qui nourrit sa maison. Mmh. Oui, j'avais découvert ça dans le Feng Shui quand j'avais fait mes études de Feng Shui à l'époque. C'est vrai. Et du coup, tu me fais un beau parallèle, parce que justement, tu proposes aussi de venir dans l'habitat pour un petit peu rééquilibrer. Comment ça se passe? Tout à fait. Donc, quand j'ai fait mon burn-out, je m'étais dit, je ne vais plus m'occuper des humains. D'accord. Petite anecdote que je révèle lors des conférences, parce que je ne me voyais plus en contact, je rendais les humains responsables de mes difficultés. D'accord. Donc, je suis allée vers la géobiologie, le feng shui, radiesthésie, et pour me rendre compte qu'effectivement, notre maison, c'est notre lieu de régénération. Et puis, je me suis rendu compte que, bah, évidemment, il y avait des humains qui vivaient dans ces maisons, donc je ne pouvais plus passer à côté des humains d'une façon ou d'une autre. Donc oui, la santé de l'habitat, c'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, parce qu'on ne choisit pas un lieu par hasard. C'est-à-dire qu'on va choisir un lieu où l'on va vivre en fonction de nos problématiques ou de nos qualités, bien sûr. Hein. Mais au début, on choisit en fonction de ce que l'on a à régler. Donc une maison qui vibre mal va entrer en résonance avec des parties de nous qui vibrent mal. D'accord. Une faille dans une maison... Quand je vois une faille dans une maison, je me pose tout de suite la question, est-ce qu'il y a une faille dans le couple? Est-ce qu'il y a une faille dans la vie de la personne? Est-ce qu'elle vit vraiment en accord avec elle-même? Ou alors est-ce qu'il y a déjà des fissures en elle qui font qu'elle n'est pas bien et elle a envie d'agir autrement? D'accord. Ah oui, ça je ne savais pas, tu vois. Donc c'est... Et pareil pour l'eau. Par exemple, quand... ça aussi j'aime beaucoup le dire, mais mon cabinet de kiné, je travaillais sur une source d'eau souterraine. D'accord. Je dormais sur une source d'eau souterraine. D'accord. J'avais de l'eau partout. Ah, tu étais submergée? J'étais submergée, mais émotionnellement submergée. Oui, oui, oui, oui, oui. J'ai bien compris. Donc là, tu proposes donc différentes choses. Donc, on peut te voir en consultation individuelle comme en accompagnement collectif et faire appel à toi donc justement pour la santé de son habitat. Donc ça, c'est bon à savoir. Il y a également des outils que l'on voilà que l'on retrouve dans le chamanisme comme le tambour. Hein ? Le tambour. Le tambour, le fameux tambour. Alors à quoi sert-il ? Comment ça s'utilise, etc., etc. Alors le tambour, c'est la monture, entre guillemets, du chaman. C'est celui qui va lui permettre d'aller voyager dans les mondes invisibles. D'accord. Pourquoi ? Parce que le tambour ou les maracas ou les hochets vont amener le cerveau dans un état modifié de conscience. D'accord. Un peu comme si on faisait de l'hypnose. Oui. Ok. C'est-à-dire on bat le tambour à un rythme qui permet d'installer cet état altéré de la conscience. Et à partir de ce moment-là, il y a alors c'est pas l'imagination. Ça, je le vois dans les cercles de tambour que je pratique. C'est-à-dire que les gens sont pas il n'y a pas besoin de leur donner beaucoup d'informations et ils partent en voyage. Et souvent, dans les cercles, je donne des indications très simples pour ne pas les noyer. Et les personnes peuvent voir des choses très extraordinaires alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. D'accord. Et ce n'est pas leur imagination, parce qu'ils se demandent d'où ça provient. Donc, c'est déjà des accès à des parties d'un autre monde. Mmh. À des parties d'une conscience qui est bien au-delà de nous-mêmes, bien au-delà de nous-mêmes. Bien au-delà de notre statut d'humain. Hein ? Tout à fait. Alors justement, en parlant de tambour, il me semble donc que très bientôt aura lieu un cercle de tambour chamanique pour la nouvelle lune. Est-ce que c'est toujours d'actualité ce mercredi 6 mars ? Alors oui, c'est à Strasbourg parce que j'officie à la fois donc sur les Vosges, sur l'Alsace, sur la Meurthe-et-Moselle okay. Également. Mais là, il est complet, c'est ça ? Oui, ouais. Oui. D'accord. Oui. Mais ça se passe comment alors ce cercle de tambour ? Donc c'est des peu importe les personnes qui veulent venir, pas forcément besoin d'être initiées déjà au préalable ? Non, pas forcément. C'est vrai que je l'ouvre assez largement. Là, ça va être dans une salle à Strasbourg parce que les conditions météorologiques ne permettent pas encore forcément de le faire en extérieur. Ouais. Mais ma prédilection, vraiment, c'est autour du feu. D'accord. Donc, en général, dans les coins d'Aubernais, il y a de beaux endroits en dessous du Mont Saint-Odile où... Voilà, il y a des belles, très belles énergies. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours un thème qui est donné le soir même. Ok. Pour lequel on va voyager, qui est un thème en général collectif. Ouais. Ou quand c'est la nouvelle lune et qu'on a des énergies assez fortes là depuis le début de l'année, enfin même depuis fin de l'année dernière, plus d'un an, voilà. Eh bien, ça peut être pour également y déposer des intentions personnelles de nettoyage, de laisser en tout cas ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer sur le chemin de notre vie, encore et encore. Ah ben ça c'est chouette. Alors on va se lancer dans notre troisième bulle de soin, parce que cette émission passe quand même à toute vitesse, hein, je tiens à le préciser. On revient tout de suite après, eh bien, justement pour les futurs événements que tu vas proposer, et puis on va parler d'un petit peu là où on peut te trouver sur internet, etc. Hein. C'est quand même important de pouvoir rester en lien avec toi pour ceux qui seraient intéressé. Donc on continue toujours sur le même voyage musical et on se retrouve juste après. Thank you. Et voilà pour notre troisième et dernière bulle de son, car notre émission est quand même passée à toute vitesse hein, avec notre invitée d'aujourd'hui, Isabelle Lejuste, donc, qui est venue parler avec nous de chamanisme et donc de sa pratique de guérisseuse âme, corps, esprit. Esprit, voilà, j'ai presque tout retenu. Alors, Cœur, esprit. C'est ça, cœur, corps, esprit, tout à fait. Alors donc, on revient avec toi sur les futurs événements que tu vas proposer et là où on va pouvoir te retrouver. Donc j'ai parlé d'un cercle de tambour qui aura lieu voilà, après-demain, donc mercredi, mais là, donc c'était juste pour en parler, le cercle est déjà complet. Mais où te retrouverons-nous prochainement? Eh bien, le week-end prochain, je fais un stage destiné aux femmes que j'appelle Femmes Sacrées. Ça, c'est intéressant. Oui, très très intéressant parce qu'il permet vraiment de gagner en confiance et en rayonnement de femmes et qui va être destiné à toutes les femmes, vraiment, oui. Parce qu'on... nous sommes toutes porteuses de blessures dans notre féminin, oui. Physique, émotionnel, spirituel, individuel, collectif. Les blessures du féminin sont nombreuses et ce stage est vraiment un condensé de ce que j'ai pu vivre. C'est à la fois mes expériences et mes formations, et c'est suite à des blessures profondes de mon féminin oui. que j'ai dû, moi aussi, avant tout, me faire accompagner. Oui. Et dans ce stage, j'apprends vraiment aux femmes à connaître leur corps. J'avais découvert cela lorsque j'étais kiné libérale, je faisais de la rééducation périnéale, et je m'étais déjà rendu compte à l'époque que les femmes étaient très éloignées de leur corps, ne connaissaient pas leur appareil génital, que certaines même ne se touchaient pas, n'osaient pas toucher cette partie-là oui. de leur corps. C'était tabou. Et bien malheureusement, elles subissent leur corps et elles subissent leur relation avec l'homme, alors que dans ce féminin, et bien il y a tout le masculin qui est invité. Bien sûr. Avec nous, pour nous faire découvrir aussi qui nous sommes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ce féminin sacré et toutes ces pratiques liées au périnée, que ce soit par des exercices, que ce soit par des méditations, que ce soit également par des techniques plus taoïstes. D'accord. Il y a de quoi faire. Ok. Donc ça a lieu ce week-end, c'est pareil, c'est complet. Ça, c'est complet. Voilà, il y en aura un nouveau... En septembre. En septembre, voilà. Donc on se tiendra à informer et puis on partagera l'information si jamais tu nous la donnes. Tout à fait. Et le deuxième événement important, donc j'ai mis en place un parcours initiatique chamanique. D'accord. Qui a mis beaucoup de temps, qui a demandé un peu comme un fruit, un temps de mûrissement. Oui. Parce que je souhaitais pas seulement faire un stage d'initiation à l'animal, le totem, comme ça existe partout. Et malheureusement, les personnes ne vont pas plus loin. Elles font ce stage-là, mais elles ne savent pas trop comment s'en servir. Donc moi, j'ai fait un petit peu un mélange. L'objectif, c'est vraiment de déconditionner. Alors, apprendre, bien sûr, l'état de conscience chamanique, l'apprentissage du voyage chamanique, comment s'en servir dans notre monde, mais après ça aide vraiment de déconditionner nos croyances limitantes, notamment au cours du deuxième stage où le thème c'est vraiment mourir en tant que profane pour renaître à une vie d'initié, et avec un troisième stage qui va être le feu spirituel purifiant les scories du mental, donc là on va avoir un bain de vapeur qui est traditionnellement appelé hutte de sudation pour permettre au cours de ces événements, de ces rencontres, de nous amener à pouvoir voir nos différents angles de vue personnels. Et avec une dernière rencontre au mois de juillet qui sera la rencontre avec les esprits chamaniques et les consciences supérieures pour justement... collecter davantage d'informations, créer notre carte du monde invisible, afin, quotidiennement aussi, de pouvoir utiliser ces connaissances, ce développement de l'intuition, cette reliance à la spiritualité, cette présence sur Terre dont voilà, nous sommes sur Terre, donc il est important de la vivre, oui. afin que tout cela puisse se matérialiser complètement. Eh bien, dis donc, quel programme ! Oui. Donc ça, c'est pour le parcours initiatique que tu proposeras en avril. Voilà, donc, c'est ça. C'est encore possible de s'inscrire, de oui. participer ? Les inscriptions débutent, elles sont lancées, donc c'est encore possible. Toutes les informations sur... Sur ton site ? Sur mon site. Alors, www.isabellelejuste888.com. De toute façon, on remettra le lien de ton site internet avec le podcast de cette émission qui sera visible sur notre site internet et notre page Facebook. Et pour les couches tard, cette émission sera rediffusée à minuit. Voilà. Est-ce que tu participeras bientôt à un salon bien-être comme il a été le cas à Axertini il y a quelques temps ? Oui, le 15-16 mars. D'accord. Ou 16-17, je ne sais plus, c'est le 16-17, à Matincourt, donc première cours. D'accord, ok. Voilà, je serai présente sur ce... Sur ce salon. Ok, donc si jamais on veut te rencontrer pour faire une petite approche, de, voilà, faire connaissance, bah, ce sera oui, possible là-bas. C'est ça, parce Super. Qu'il y aura un cercle de tambour chamanique. Donc, ah, bah voilà, c'est parfait. Voilà. Donc on te retrouve sur ton site internet ou sur ta page Facebook, parce que tu as aussi une page Facebook avec ton nom, Isabelle Lejuste, hein, tout simplement. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu, parce que je t'ai identifié sur ma publication Facebook à travers la radio. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur Isabelle Lejuste au sein de la publication Facebook que j'ai fait tout à l'heure et vous tomberez directement sur la page d'Isabelle. Voilà, il y a la page, il y a le profil et puis il y a la page thérapie physique et thérapie émotionnelle où là, il y a l'avantage. D'accord. D'événements. D'accord, voilà. Ok. Bah, merci pour ces précisions. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Isabelle. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, peut-être ? Je dirais ce qui est important, c'est d'être en paix à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que le chamanisme, pour moi, y a beaucoup contribué. Donc, la paix intérieure. Soyez en paix. Voilà, soyez en paix. Et puis, quelle que soit votre pratique, de toute façon, on sait qu'elle est bonne pour vous. Hein, nous, on aime bien aborder toutes sortes de pratiques. Donc, allez à la rencontre de vous-même à travers différentes choses. Puis surtout, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de personnes comme Isabelle pour en savoir plus et peut-être trouver votre vous, hein, votre voix. Et puis, pour aller bien, c'est ce que c'est important. Voilà, gros bisous à tous nos auditeurs. On se retrouve demain à travers Minute Bonheur à 8h et 13h30. Et il me semble qu'aujourd'hui à 13h30, hein, juste à la suite donc de cette émission, vous retrouverez les coups de cœur d'Aurélien. Merci beaucoup Isabelle d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci Lia. À très très bientôt. Bonne journée, au revoir. À toi aussi. Underground.